Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le cinéma d'Éric Rohmer. Bon, l'univers de Rohmer, on est toujours enchanté de le retrouver parce que c'est un univers tellement intelligent, tellement drôle, tellement paradoxal, avec des gens qui sont tellement réalistes. C'est pas des faux voyous, des fausses bourgeoises ou qu'on voit dans le cinéma d'habitude. Il y a une vérité extraordinaire. Ariel Dombal décrivant le cinéma d'Éric Rohmer comme celui de la vérité et du réalisme à l'émission Parole de Star en 1994. Ariel Dombal va faire partie de cette famille d'acteurs si méticuleusement choisis par Éric Rohmer tout au cours de sa carrière. Admiré par les uns, détesté par les autres, le cinéma de Rohmer est en tout cas assez unique en son genre et ne laisse personne indifférent. Regarde! Ils sont extraordinaires! Attends, ne cours pas. Tu veux que je te fasse le cri du dindon? Ouais! Goulou, goulou, goulou, goulou! Goulou, goulou, goulou, goulou! Goulou, goulou, goulou, goulou, goulou! Incroyable! Ils sont super bien élevés. Attends, je le fais. Goulou, goulou! Nous vivons tous à la campagne, parmi les champs et les prairies. Mais ce film, je trouve, est d'une modernité fantastique. C'est vraiment, je crois qu'on s'en apercevra plus tard. Je veux dire que si on devait montrer à des gens dans bien des années, nos petits-enfants, ce qu'étaient des spécimens de cette époque-là, des années 90, ce film est étonnant de vérité, de modernité. Il se pose les vraies questions, c'est drôle. Faut-il vivre à la campagne? Faut-il vivre à la ville? Avec toutes les problématiques et toutes les roueries qui sont dans les êtres quand ils sont ou écolos ou de droite ou socialistes, toutes les stratégies, c'est d'une richesse et d'une drôlerie inouïe. D'avoir trouvé la solution pour les nouvelles générations. Extrait du film « L'arbre, le maire et la médiathèque » suivi du commentaire d'Ariel Dombal à l'émission « Parole de star » en 1994. Pour nous parler du cinéma d'Éric Rohmer, je reçois le chroniqueur cinéma Michel Coulombe. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour. Vous aimez ce film « L'arbre, le maire et la médiathèque ». Vous adorez le cinéma d'Éric Rohmer. Les auditeurs auraient dû vous voir sourire, déjà prendre un plaisir immense juste en écoutant cet extrait qu'on vient d'entendre. Pourquoi un tel amour de ce cinéma? Parce qu'il y a un ton. Parce que les dialogues sont brillamment écrits, parce que c'est intelligent, parce que je trouve ça profondément amusant. Très souvent, c'est très drôle. Et parce que ces tergiversations amoureuses, cette façon d'avoir de grands principes, d'aller ailleurs, de se fourvoyer, de chercher, de parler de ça avec tant de grâce, on ne trouve ça que dans le cinéma français et plus spécifiquement dans le cinéma d'Éric Rohmer. C'est inimaginable ce genre de dialogue dans le cinéma québécois, par exemple. Et je dois dire que dans le cas de L'arbre, le maire, la médiathèque, il y a une réflexion sur la politique, effectivement, qui est très moderne. Et puis une façon de travailler qui est si singulière, parce qu'il aimait travailler avec peu de moyens. Oui. Donc, travailler avec peu de moyens, dans ce cas-ci, c'est les acteurs qu'il avait révélés, Fabrice Luchini, Ariel Dombal, Pascal Grégory, il les a pas payés. Il les a logés dans un château, il faisait la cuisine lui-même. Il aimait pas les décorateurs, il payait pas de musique de film. Il limitait tant qu'il pouvait les frais de production pour que ces films soient sans risque financier. Par choix, par ce souci d'économie sur le plan financier, puis vous avez plein de théories sur Éric Rohmer, on va le voir au cours de l'émission, mais l'une d'elles, c'est qu'il y avait un petit côté pingre. Il était pingre, ça c'est clair, ouais. Parce qu'il n'avait pas de téléphone à la maison, il n'avait pas de voiture, il ne prenait pas de taxi. Ouais. Alors les gens le ramenaient chez lui. Alors ça, c'est une des particularités d'Éric Rohmer. Hein. Ouais. Vous savez que son vrai nom, c'est Maurice Scherrer, il a pris le nom d'Éric Rohmer, lui dit « Oh, j'aimais la sonorité », on dit que c'est parce qu'il aimait un écrivain, Sax Rohmer, et puis Eric von Stroheim, l'acteur. Donc, il a pris ces deux choses-là, ces deux noms-là, puis il a pris le Eric de l'un, puis le Rohmer de l'autre. C'était pas son premier pseudonyme. Hein. Il avait écrit un roman sous un autre pseudonyme dans les années 40. Il va jouer comme ça avec différents noms, par exemple, pour écrire, travailler à composer la musique de certains de ses films. Il va se servir de pseudonyme. Mais jusqu'à 1970, il ne disait pas à sa mère jusqu'à sa mort, donc, qu'il était cinéaste. Ouais. Elle croyait qu'il était toujours professeur de littérature, alors il vivait dans le très grand secret et elle ignorait son métier. De sorte qu'il ne donnait pas d'entrevue en public, n'allait pas dans les festivals, ne se montrait pas. Ouais. Il a fait carrière jusque-là sous un pseudonyme et avec une identité qui tenait sa mère à distance. Et ça aussi, ça vous fascine, le personnage Romer, parce que c'est vraiment un curieux de bonhomme. Sa mère ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie, mais c'est quelqu'un qui compartimente aussi sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ben, quand je parlais des gens qui le ramenaient chez lui en voiture, il le ramenait toujours à un endroit différent parce qu'il ne voulait pas qu'il sache où il habitait. Ouais. Jusqu'à sa mort, la plupart des gens qui étaient dans son entourage, autour de lui, ignorait qu'il était marié, ignorait qu'il avait un enfant. Tout ça était tenu secret. Il compartimentait sa vie. Ouais. Donc, il avait une vie professionnelle quand même assez active, hein, 23 longs métrages. Il a dirigé les films du Losange qu'il a créé donc avec Barbet Schroeder. Il a eu ses films Éric Rohmer aussi. C'est quelqu'un qui était très actif. Ouais. Mais ça, c'était la vie professionnelle. Puis à côté de ça, effectivement, il y avait son jardin secret. Le cinéma, on y revient. Ce cinéma si particulier d'Éric Rohmer, comment le décrire? Un cinéma qui est vraiment, je le disais d'emblée, adoré par certains, mais détesté par d'autres. Je vous propose, en guise de mise en bouche, on ne s'en privera pas, d'écouter la parodie, vous allez peut-être vous en souvenir, que faisait à l'époque le groupe Rock et Belles Oreilles du cinéma d'Éric Rohmer, extrait qui remonte à 1988. Tenez-vous bien, Michel. Pathé Gaumont présente le nouveau film d'Éric Rohmer, L'ami bavard. J'ai passé Noël dans les Pyrénées. J'avais une voisine, Madame Furstenberg. Elle est juive. Elle avait un chat. Quelquefois, je caressais le chat de ma main gauche, mais pas trop longtemps. Puis, il repartait. Je marchais souvent, le soir, avant dîner. Bien sûr. Eh ben, dis donc, quelle histoire! Ce qui me rassure, Michel Coulombe, c'est que je peux en témoigner pour les auditeurs qui ne vous voient pas, c'est que je vous vois sourire tout autant Bien sûr. De cette parodie. Je crois qu'il y a eu à la longue une forme de spectacle chez les gens qui détestaient Rohmer. Ouais. Certains critiques de cinéma s'en sont fait effectivement une gloire. Bon, dans le cinéma américain, il y a un fait d'armes particulièrement remarqué. Hein. Dans un film, il y a un personnage joué par Gene Hackman que sa compagne interpelle en disant « Est-ce qu'on va voir Ma nuit chez Maud ?» Puis il dit « Bon, moi, j'ai déjà vu du cinéma de Rohmer. Autant regarder la peinture du mur séché. » Alors, vous voyez, pour certains, ça fonctionnait. Pour d'autres, pas. Cela dit, Ma nuit chez Maud est un succès aux États-Unis. Ouais. 900 000 spectateurs en France. Donc, il y avait aussi un public important pour Rohmer, mais c'est un ton. Et y entrer ou pas y entrer, c'est pas si facile. Mais il suscite une telle... l'exaspération. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il exaspère autant certains? Ben, c'est qu'il n'y a pas d'action. Ouais. C'est pas un cinéma qui est construit sur l'action. Il est construit sur les dialogues. Lui, il aimait filmer la parole. Et on tergiverse, on discute. Mm-hmm. Il est question du sentiment amoureux. Je t'aime pas, on y va, on n'y va pas, on fait une chose, on la fait pas. On discute à l'infini. Cela dit, dans Ma nuit chez Maud, discussion pascalienne à l'infini. Ouais. Et c'est ce qui a fait que le film a eu aussi un certain retentissement. Donc, cette qualité de dialogue-là, mais aussi le type de vide qu'on peut y trouver. Mm. Parce que ça avance pas. Là, c'est hyper réaliste. Côté passe-moi le beurre qui peut... Non, c'est vraiment pas ça. On parle de ses émotions, de ses sentiments, de sa morale, parce que bon, il s'intéressait aux moralistes. Hein. Oui. Il estime en être un aussi. Donc, étude des choix des personnages, des caractères en général. Ça, c'était dans sa nature. Mais on va pas être à table à discuter de la place du ketchup puis de savoir son nom. Pas du tout. D'accord. Faut vraiment que je me refasse quelques films de Rohmer. Ça reste bavard. Ça, on va s'entendre là-dessus. La langue, le dialogue. Le dialogue est très, très important dans les films de Rohmer. On écoute justement un extrait de Ma nuit chez Maud. C'est vraiment ce film-là, vous le disiez, 900 000 entrées, mais qui a révélé Rohmer au grand public en 69, suivi d'un extrait de Jean-Louis Trintignant, qui justement est l'un des interprètes de Ma nuit chez Maud. Tu viens souvent ici? Moi, si dire jamais, toi. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Et c'est ici précisément que nous nous sommes rencontrés. étrange. Non, au contraire, c'est tout à fait normal. Nos trajectoires ordinaires ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situent nos points d'intersection. Forcément. Vous savez, c'est très curieux. Moi, j'ai tourné beaucoup de films où il y avait une part d'improvisation. J'aime beaucoup ça. Je suis très prêt à cette technique. Et dans le script de Remer, vraiment, tout était écrit d'une façon extrêmement précise. La virgule avait une importance terrible. Et même, il y avait dans le dialogue, au milieu d'un texte écrit dans une langue en même temps très élégante et très 18e siècle, il y avait écrit H-E-U, H-E-U, H-E-U. Et ça voulait dire que l'acteur, à ce moment-là, devait avoir une hésitation et dire... ça correspondait à ça, au milieu d'une phrase très écrite. Alors, quand j'ai lu ça, j'étais affolé. Et j'ai dit à Romère, mais c'est pas possible qu'un acteur peut arriver à dire ça. Et il m'a dit, essayez, dites-le à haute voix, vous allez essayer. Et c'était évident. C'était étonnant, c'était évident. Il n'y avait pas moyen de le dire autrement, une fois que... qu'on le disait à haute voix, c'était un dialogue qui était en même temps très écrit et merveilleusement facile à jouer. C'est étonnant. Comment décrire cette langue d'Éric Rohmer? Le mot élégant, je crois, la décrit très bien. C'est bavard, ça c'est certain, hein, parce que on va pas directement à ce qu'on veut dire. On prend des chemins de traverse et puis on finit par y arriver. Parfois on se dévoile pas. Il y a des discussions parfois assez longues, hein, et voulues. Dans les films. Cela dit, il écrivait ses dialogues longtemps à l'avance, donc son scénario bien avant le tournage. Parfois, d'ailleurs, il attendait que le tournage ait lieu parce qu'il voulait que telle fleur soit épanouie. Et donc, ben, si c'était en juin, on tournera en juin pour que j'aie les fleurs. Il a attendu dans le cas de Manu... Souci du détail. Dans le cas de Manu chez Maud, il a attendu longtemps Jean-Louis Trintignant parce qu'il voulait tourner à la période des fêtes. L'autre n'était pas libre. Je crois que ça a duré 2 ou 3 ans, mais ça devait être avec lui et à cette période-là. Par ailleurs, donc, il remet le scénario il y a longtemps à l'avance à ses acteurs. Et ils leur permettent de se l'approprier. Ouais. Hein, ils travaillent avec eux. Au besoin, ils réécrivent en fonction de leur personnalité, de sorte que quand il arrivait sur le tournage, ben, c'était réglé. Ouais. Cette chose-là était mise en bouche. Les acteurs se l'étaient appropriés. Et il dirigeait assez peu. Ouais. Il n'avait pas la réputation donc, d'intervenir beaucoup parce que le travail sur la psychologie des personnages, tout ça avait été calé, trouvé bien avant que la production soit mise en place. Gros travail d'écriture sur les dialogues, mais en même temps, un peu paradoxalement, après... on laisse libre cours, peu de direction sur le plateau comme tel. C'était pas sa marque de commerce d'intervenir beaucoup, alors que certains metteurs en scène, par exemple, jouent les scènes pour les acteurs. Lui, pas du tout. Et il a fait appel à toutes sortes d'acteurs parce qu'il y a eu des amateurs à certains moments. Il y a eu deux célébrités, donc Jean-Louis Trintignant, Jean-Claude Brialy. Et c'est là que son cinéma a changé un peu de couleur et a été plus visible pour Le Genou de Claire donc, et Manu chez Maud. Et puis ensuite, il s'est bâti une famille d'acteurs. Voilà. Et ce qu'il aimait d'eux, c'est qu'ils articulent. Voilà. Ça, c'était la grande qualité. On y vient justement à la façon dont il... Parce que c'était très, très important. Autant, justement, la langue, les dialogues sont importants pour lui. Il les écrit avec beaucoup de minutie. Autant les gens qui vont porter, en articulant entre autres ces dialogues, c'est aussi très important pour lui. Il prend un grand, grand soin à choisir ses acteurs. On écoute un petit extrait, parce qu'il y a toute une histoire autour de ce film, un petit extrait du film Perceval le Gallois, et puis tout de suite après, vous entendrez en fait Ariel Dombal, qui est dans ce film avec Lucchini. Ariel Dombal, donc, à Parole de star. Blanc et chenu, avancerait Pucelle, que me lasserait de vous servir. Comment vous avez rencontré Romère la première fois? Par une audition. Hein, par une audition, il cherchait une blonde au regard bien fendu pour Perceval le Gallois et à la voix de cristal, ou je ne sais quoi, une chose comme ça. Et je me suis présentée, et donc il fallait savoir chanter, il fallait avoir un physique un peu moyenâgeux aussi. Voilà. Mais on a fait des essais, on était beaucoup avant que j'aie le rôle, c'était long. Il y avait Fabrice Lucchini, donc ça a été mon premier partenaire au cinéma. Vous nous disiez l'articulation, Michel Coulon, mais comment il choisissait ses acteurs et qu'est-ce qu'il cherchait chez ses acteurs? des gens qui pouvaient aller dans cette direction, c'est-à-dire avoir ce ton qui articulait, qui avait donc une personnalité. Hein, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire de Lucchini et de Dombasle, c'est clairement ça. Et qui allait dans le sens de son monde à lui, parce que faut dire qu'il a fait surtout des films contemporains. Lui écrivait donc des scénarios qui se passaient aujourd'hui. Mmh. Mais quand il adaptait une œuvre, c'était par exemple Chrétien de Troyes et donc, dans ce cas-là, Perceval le Gallois, là, c'était des films historiques. Alors, des acteurs qui pouvaient s'approprier cette langue. Et il a entendu quelque chose chez Fabrice Lucchini qu'on reconnaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, ben oui, s'il y a bien quelqu'un qui articule et qui a ce rapport-là avec la langue française, avec les auteurs, avec la parole, c'est bien Lucchini. Ouais. Lui, longtemps avant tout le monde, a bien entendu ça. La personnalité si singulière d'Ariel Dombasle, qui semble toujours un peu éthérée, pas tout à fait dans le réel, il l'a tout de suite perçu. Ouais. C'est-à-dire, ce film-là était inspiré aussi des gravures du Moyen-Âge, donc jouait sur des proportions insensées, mm-hmm. c'est-à-dire un château plus petit que le chevalier qui est devant. Et franchement, penser à un chevalier moyenâgeux bon, qui manie l'épée avec force... Et penser à Fabrice Lucchini, c'est quand même assez audacieux, ouais. parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment un physique de Matamor. C'est vrai. Il les observe longtemps, par ailleurs, ces futurs acteurs. Vous disiez, quand il les a choisis, il leur donne très longtemps à l'avance le scénario. C'est quelqu'un qui travaille dans la durée, mais je lisais, pour préparer cette émission, qu'il va les côtoyer, qu'il va observer. Il a quelqu'un en tête, mais avant de lui parler du rôle, il les observe longtemps. Absolument. Dans la vie. Il y voit une rencontre, une autre, et il s'est monté comme ça une famille d'acteurs. Parce qu'il a été celui qui a révélé Marie Rivière, Béatrice Roman, Pascal Grégory, Ariel Dombasle, Fabrice Lucchini. Et puis, il a trouvé, comme ça, au fil des films, un certain nombre de comédiens qui pouvaient fonctionner dans son univers. Dans le cas de Perceval le Gallois, il y a aussi André Dussolier. Mais c'est plus rare d'aller vers un acteur qui aura ce type de notoriété. Mm-hmm. Par la suite, ce sera surtout des acteurs ou amateurs ou qui sont dans sa famille à lui. Il y aura des grands cycles. Il va articuler sa carrière autour de trois grands cycles. Les Contes Moraux, ce sera suivi des Comédies et Proverbes, puis ensuite les Contes des Quatre Saisons. Pourquoi travailler avec ces cycles de plusieurs films, là, parfois 4, 5, 6 films par cycle? Là, vous avez déjà fait une erreur. Vous dites 5, et puis non. Lui, il aimait les chiffres. Hein, il avait une superstition des nombres. Ouais. Donc, le chiffre 6, ça, c'était formidable. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il disait 6 quand même, ça, c'est vraiment bien. Ouais. Donc, il y avait 6 Contes Moraux. Et ensuite, 6 Comédies et Proverbes. Puis, bon, les 4 saisons, il ne pouvait pas grand-chose, il y en avait 4. Ouais. Mais ça, ça allait. Puis après, chaque fois qu'on essayait de le mettre dans une boîte, il se dérobait. Par exemple, on disait, oui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, ça ressemble à Marivaux, votre travail et tout. Puis il disait, vous savez, moi, j'ai fait des films de plaine et puis des films de montagne. ou alors, j'ai fait les Contes Moraux, c'est des films monochromes. Il y avait une couleur qui dominait. Mais ensuite, quand j'ai fait les Comédies Proverbes, il y avait 2 couleurs. Mmh. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Il jouait beaucoup avec la perception qu'on avait. Il essayait de la détourner. Et il faut bien dire que son cinéma est passé d'un monde masculin à un monde féminin. Ouais. Parce que dans les Contes Moraux, c'est toujours, et pour les 6 films, qui étaient d'abord des courts-métrages et ensuite des longs, l'histoire d'un homme qui aime une femme, qui va vers une deuxième femme et qui revient à la première. Bon, c'est peut-être sa morale catholique, hein, parce qu'il était très pratiquant. Dans les films qui ont suivi, les femmes ont pris beaucoup plus d'importance, mm-hmm. parce que donc dans les premiers films, c'était le point de vue masculin. C'est évident chez dans des films comme Le Genou de Claire et puis Manu chez Maud. Mais par la suite, Pauline à la plage et compagnie, toute une série de films, effectivement, le personnage féminin est central. Le rayon vert, vous en parlez, Michel Coulombe, en disant que c'est... Et ça fait partie donc des Comédies et Proverbes. Vous dites que c'est son film le plus étonnant. Pourquoi? C'est que quand il a vu que le succès s'installait, il avait cette réflexion sur l'économie de ses films. Hein. L'idée pour lui, c'était un film peut rapporter tant, donc il ne doit pas coûter plus que tant. Ce n'est pas le cas de tous les cinéastes dans l'industrie cinématographique française, où on peut faire des films à perte, et puis c'est le CNC qui absorbe, c'est les partenaires publics, et on s'en inquiète pas. Lui avait ce souci-là. Donc, il a fait des films avec, à la direction photo, quelques-uns d'entre eux d'ailleurs, à Almendros. Et là, on est allé vers quelque chose d'assez soigné sur le plan visuel et tout. Et il a eu envie de vraiment s'installer en rupture par rapport à cette façon de fonctionner, en disant « je vais me rapprocher de l'amateurisme, je vais aller vers quelque chose de minimaliste ». Et donc, dans le cas du Rayon vert, ça fonctionne sur l'improvisation. Il a choisi une comédienne, il a travaillé avec elle au hasard des rencontres, dans un lieu, en se disant « il se passera quelque chose ». Ça, chez lui, c'est quand même inhabituel. Néanmoins, Lion d'or à Venise. Ouais, et ça reste du Romère, quand on regarde le film. Et une référence, parce qu'il y a souvent des références, dans ce cas-ci, à Jules Verne, qui a signé un roman qui s'appelait « Le rayon vert ». C'est donc le dernier rayon du soleil qu'on peut capter. Il ne l'a pas eu sur le tournage même du film, donc il est retourné par la suite, je crois, aux Canaries ou quelque chose comme ça, pour attraper ce fameux rayon vert, pour avoir effectivement cette perception du personnage. Mais donc là, c'est un film qui est fait avec des conditions qui ne sont pas celles de quelqu'un qui a atteint une certaine célébrité. Parce que normalement, les cinéastes, quand ils ont droit à plus de moyens, en veulent encore davantage. Lui a plutôt paniqué face à ça, puis s'est dit, tiens, revenons à quelque chose qui est encore plus simple et avec une équipe qui connaît pas tant de choses, mais qui va avec moi tenter l'aventure. Je disais au début de l'émission, vous avez toutes sortes de théories sur Romère. L'une de ces théories veut que nous soyons, les Québécois, dans la meilleure position, les mieux placés au fond, pour apprécier le cinéma de Romère. Pourquoi? Ben, on peut l'observer. Si on est américain, ben, c'est déjà une autre langue. Si on est français, ben, on n'a pas de distance par rapport à ça. Mais le jeu qu'il y a du côté des dialogues, cette intelligence, ce côté pétillant, mais la folie parfois. Moi, je vois Ariel Dombasle, je ris. Je vois Fabrice Luchini, je m'amuse profondément. Pour les Français, je pense que ça fait partie aussi de leur système. Il y a des gens qui s'expriment de cette façon-là. Il y a une façon de tergiverser ou de discuter de principes qui seraient fondamentaux pour nous, puis de faire autre chose et tout. Tout ça, c'est dans la nature française. Ça revient souvent dans les films. Ouais. C'est très présent chez Romère, bien sûr, mais c'est chez d'autres cinéastes. Et puis, dans la société, nous, on n'est pas comme ça. Donc, quand je vois les films de Romère, je le vois avec cette distance et je la trouve formidable parce qu'effectivement, je vois le film pour ce qu'il veut être, mais je le vois aussi avec une distance culturelle qui est nous ne nous exprimons pas de cette façon-là et je trouve ça jouissif. Un mot sur ce qu'il a laissé à ceux qui suivent, aux plus jeunes. Qui sont pour vous, Michel Coulombe, les héritiers de Romère? Le plus évident, c'est Emmanuel Mouret. Alors lui a un ton, une façon de dialoguer, de jouer, qui s'apparente à Romère. Il y a eu par ailleurs, il y a peu, un film qui s'appelle Maestro, qui est une référence directe à Éric Romère. Donc il a établi effectivement dans le cinéma français une forme de simplicité dans le tournage, un amour des dialogues, un travail avec les acteurs, un ton, une manière qui sont profondément originaux. Et tout ça, d'une façon ou d'une autre, ça fait partie maintenant de ce qui est l'image qu'on a du cinéma français. Et ça influence effectivement certainement d'autres auteurs. Michel Coulombe, critique cinéma à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Merci Michel. Au revoir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.